Les tumeurs poissons, on crache du sale dans l'approchant. Les tumeurs, si tu t'approches, je traîne un drap, une pelle et une pioche. Les tumeurs poissons, on crache du sale dans l'approchant. Les tumeurs, si tu t'approches, je traîne un drap, une pelle et une pioche. L'ambiance est pesante, gros, j'attends que le malheur m'épargne. Le silence est fait briser par le bruit de mes 100 pas. Je suis sans état d'âme, comme un homme à terre. Faudrait qu'on m'interne, faudrait commentaire. Et faut que tes commentaires, gros, j'ai pas ton temps. Gun sur la tempe, boum, on se renvoie en enfer. Le regard dans la brume, quand j'ai bu, j'abuse, j'accuse le coup. C'est nuit blanche, mets des coups de coude. Écoute, gros, ne tourne pas autour du pot. Dans la vie, faut rester vrai, évite les comparaisons. Le regard sombre, trop de chelou dans la ville, trop d'embrouille. À minuit, il n'encaisse pas la tease. Je reviens des enfers comme t'as pas idée, mec. Je pense à tous ceux qui ne m'ont pas aidé, c'est. Donnant, donnant, je suis pas un fils de pute. Gueule sous capuche, j'attends mon sort, allez, salut. Mais c'est tumeur brosson, on crache tout ça dans l'approchant. Et tu meurs si tu t'approches. Je traîne un drap, une pelle et une pioche. Et c'est tumeur brosson, on crache tout ça dans l'approchant. Et tu meurs si tu t'approches. Je traîne un drap, une pelle et une pioche. Mon âme décapitée par guillotine. Depuis la mort, je connais bien le thème. Comme d'habitude, l'instru, je viens, je lapine. Me fais pas ma morale, je te fais pas la tienne. Toujours en terre, je mets pas des paladiums. Heureusement que le schmid connaît pas la job. Il me faut du bénéf et je me casse dans les tomes. Parce qu'ici, le chétan qui me pousse à déconner. C'est pas l'enfer, mais c'est comme. Pour oublier, fume des con. Mon pote a fait des sous grâce au cam. Et c'est comme si j'étais déjà mort. J'ai vu autant de milliers de levées que de minutes, je mets ça me lever. J'suis pas comme vous, j'ai vraiment trop la flemme. Le rap pourrait payer, même s'allume pas la flamme. Et c'est tumeur brosson, qu'on crache tout ça dans l'approchant. Et tu meurs si tu t'approches. Je traîne un drap, une pelle et une pioche. Et c'est tumeur brosson, qu'on crache tout ça dans l'approchant. Et tu meurs si tu t'approches. Je traîne un drap, une pelle et une pioche.